Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 84. De l'adoration. L'adoration, acte de la religion, implique des actes du corps et des lieux déterminés. 1. L'adoration est-elle un acte de la religion? L'adoration a pour but de révérer celui qui en est l'objet, elle revient de droit à la religion, dont le propre est d'honorer et de révérer Dieu. De là ces paroles, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10. Note. L'adoration, dira quelqu'un, n'est pas uniquement due à Dieu, Abraham adora les anges, Genèse 18, 2, Nathan, prosterné contre terre, adora David, 3, Rois 1. Donc l'adoration n'est pas un acte de religion ou de latrie. Nous répondons que la vénération est due à Dieu à cause de son excellence, qu'il ne communique jamais entièrement aux créatures, quoiqu'il leur en accorde une participation plus ou moins grande. Nous vénérons, par conséquent, les créatures autrement que Dieu. Nous leur accordons la vénération de Dully, mais nous rendons à Dieu celle de l'atrie. De tous les honneurs que l'on défère aux créatures éminentes, l'adoration est le premier, mais il est une marque de révérence qui ne peut être accordée qu'à Dieu seul, c'est le sacrifice. Soit bassesse profonde, dit saint Augustin, soit flatterie pernicieuse, l'homme a empiété sur le culte de Dieu pour honorer l'homme, il proteste, tout en le tenant pour homme, qu'il le vénère et même qu'il l'adore, mais il ne sacrifie jamais qu'à l'être qu'il sait, croit aux fins de croire son Dieu. Nathan adora David en lui témoignant le respect qui est dû à une créature supérieure. 3 Rois 1, 23. Mais Mardochée refusa d'adorer Aman par les signes qui ne sont dus qu'à Dieu, a dans la crainte de rendre à un homme les honneurs divins. Esther 13, 12. Abraham adora trois anges comme on adore improprement des êtres créés, ou bien il adora véritablement le Seigneur dans leur personne. Genèse 18, 2. Fin de la note. 2. L'adoration implique-t-elle des actes corporels? Composée de deux natures, nous offrons à Dieu une double adoration, l'une spirituelle, consistant dans la dévotion intérieure de l'esprit, l'autre corporelle, qui est l'humiliation extérieure du corps. Mais, dans tous les actes de l'atrie, l'extérieur se rapportant à l'intérieur comme l'accessoire au principal, l'adoration sensible a pour but l'adoration invisible. Les signes extérieurs d'humilité donnés par le corps doivent, en conséquence, exciter notre âme à se soumettre à Dieu. Notre nature est telle qu'elle a besoin des choses sensibles pour s'élever vers le monde intelligible. Note. L'adoration consiste principalement dans la vénération intérieure, et secondairement dans certains signes corporels d'humilité. Nous fléchissons le genou pour témoigner de notre infinie bassesse devant la grandeur infinie, nous nous prosternons pour reconnaître que nous ne sommes de nous-mêmes que néant. Fin de la note. 3. L'adoration veut-elle un lieu déterminé? Il est écrit, ma maison est une maison de prière. Luc 19, 46. La dévotion intérieure est la partie principale de l'adoration, et les signes extérieurs l'accessoire. Notre esprit conçoit Dieu comme non compris dans un espace, mais les signes extérieurs ou corporels s'accomplissent nécessairement dans un lieu. La détermination d'un lieu n'est pas essentielle à l'adoration, elle s'y rattache seulement comme une chose convenable, ainsi que les autres signes corporels. Note. Si l'on choisit un lieu déterminé pour l'adoration, c'est à cause, non pas de Dieu, qui n'est point renfermé dans un espace, mais des adorateurs eux-mêmes. La consécration d'un temple leur inspire une dévotion plus grande, comme on le voit par la prière de Salomon, 3 Rois 8. Les églises sont nécessaires pour les divins mystères qu'on y célèbre, et pour les symboles religieux que l'on y conserve. Le concours des fidèles y donne plus de puissance à la prière, conformément à ce que dit le Sauveur, « Là où deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'elles. » Matthieu 18, 20. La situation même des temples n'est point une chose indifférente. Plusieurs raisons nous portent à adorer Dieu le visage tourné vers l'Orient, le mouvement du ciel, qui nous révèle la majesté suprême, part de l'Orient, le paradis terrestre était dans l'Orient, Jésus-Christ est appelé l'Orient par Zacharie. David dit qu'il est monté vers l'Orient au-dessus de tous les cieux, Psaume 66, 34, et l'Évangile nous enseigne qu'au jugement dernier, le Sauveur des hommes reviendra à l'Orient, Matthieu 24, 27. markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.